Cari amiche, cari amici, bentornati, bentrovati a Brussellando, Radio Alma. Maridì, questa sera è molto contenta perché, come avete potuto notare, nel tempo sono anche un po' cambiate le nostre trasmissioni. E questa sera sono qui in collegamento telefonico con Miriam Youssef, che io avevo conosciuto un po' di tempo fa nelle vesti di attrice, ma questa sera sono molto contenta, quindi avete capito che passiamo dall'italiano al francese, di intervistare invece Miriam come metteur en scène. Quindi Miriam, je te souhaite la bienvenue à Radio Alma, Bruxellando. Merci beaucoup. Alors, comme je disais en italien, moi je t'ai connue comme actrice, ça fait un tout petit moment, je dois le reconnaître. Donc, je te pose une question qui me vient un peu spontanée. Tout d'abord, j'aimerais un peu te présenter à nos amis auditeurs. Donc, si tu peux nous raconter ton parcours d'artiste. Mon parcours d'artiste, eh bien, ça fait maintenant 16 ans, ça fera 16 ans au mois de juin que je suis professionnelle du monde du théâtre. J'ai fait des études en tant que comédienne et je joue encore régulièrement, mais ce n'est pas mon activité principale. Très rapidement, en fait, je vais dire même pas après ma sortie d'école, même avant, je me suis tournée vers la mise en scène. Et voilà, c'est clairement mon métier de prédilection. Et aussi maintenant, depuis 2 ans, je donne cours à des futurs comédiens. Et ça, voilà, c'est un métier auquel je m'attache de plus en plus aussi. Donc en fait, d'une manière générale, c'est le fait de travailler, c'est le fait de travailler en équipe qui m'intéresse le plus dans ce métier. Et donc, quelle est la raison, donc, la motivation qui t'a poussé à faire plutôt des mises en scène? C'est d'avoir une vision, en fait, je crois, j'imagine. D'abord, c'est le contact avec les comédiens, en premier. C'est de pouvoir travailler. C'est la direction d'acteurs qui m'appelle le plus clairement. Et le fait d'avoir le droit, en fait, puisque là, en l'occurrence, c'est même un devoir, d'avoir une vision globale sur le spectacle, qui donc inclut autant le fait d'être garante de c'est que le sens et la langue du texte passe, que garante de la belle cohérence de la scénographie, des costumes, des éclairages, de la musique, de pouvoir avoir en fait en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de constituer l'équipe qui va composer le tout et de travailler avec chacun et d'apprendre de chacun. Je trouve ça vraiment, c'est la chose que je trouve la plus passionnante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, avant de parler de la pièce que tu es en train de mettre en scène pour l'instant au TTO, je te pose une question aussi assez simple. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles pour le TTO? Ah oui, ça c'est une question très simple. Oui. Et ça fait longtemps que j'en rêve. Vraiment. Alors. Année qu'on cherche le projet qui va nous permettre de travailler ensemble, parce que j'avais vraiment très très très envie de pousser ces portes, pour vraiment. Alors, La prochaine étape, c'est d'arriver à les pousser en tant que comédienne. pour ceux qui suivent donc l'actualité culturelle de Bruxelles, je pense qu'ils ont déjà compris que ce soir, on parlera de Je me sens pas belle. Je pense que tout le monde se souvient du rôle de Marina Foïs, j'espère de le prononcer bien, dans le film de Bernard Jean-Jean. Et alors, comment est née cette idée, en fait? Comment est née cette pièce dans tes mains? Eh bien, c'est assez simple. En fait, donc, comme je disais, que l'essentiel pour moi, c'est vraiment l'équipe au sens large. La vraie preuve, c'est que je travaille toujours avec les mêmes scénographes costumiers et éclairagistes. Et avec les scénographes costumiers, on fait vraiment un trio très, comment dire, très solide et très proche, et qu'on choisit même les projets ensemble. Et là, en l'occurrence, c'est un des deux scénographes, c'est Thibaut de Coster, qui est arrivé. On cherchait en fait un projet cocon. Voilà. On s'était dit, tiens, on va se construire, parce qu'on avait en chantier à l'époque un gros, gros projet qui était La Dame de chez Maxime, qu'on a monté il y a 2 ans au Théâtre Royal du Parc. On savait déjà qu'on en aurait d'autres d'énorme ampleur, et on voulait mettre en parallèle, lancer un projet beaucoup plus petit et beaucoup plus cocon, où on serait peu, une équipe plus réduite, et où on pourrait vraiment travailler sur la notion, même au niveau du sens et du travail, sur la notion de cocon, de se faire plaisir, de chaleur. Voilà. plutôt que d'extravagance ou de tragédie ou de n'importe. Non, là, c'était cocon. Et donc, on a beaucoup discuté de ça, de notre désir, et Thibaut a eu cette idée. Il avait vu le film et m'a dit, tiens, regarde un peu le film, il y a moyen d'en tirer une pièce. Ce qui, en fait, avait été fait, mais on n'était pas au courant. Et donc, on s'est très, très vite mis d'accord sur... Mais après, ça a été très, très long à mettre en place, parce que les droits n'étaient pas libres, justement. Et voilà, et donc, on a dû attendre un peu, mais voilà, ça s'est très vite décidé. Mais ça, je peux l'imaginer, surtout parce que parfois, si tu as une idée d'un film, il y a déjà un déjà-vu, tu vois. Donc, faire sortir déjà les déjà-vus, c'est quand même quelque chose d'important. Et moi, je pense que tu as très bien réussi. Oui, je le pense sincèrement. En fait, moi, j'étais aussi surprise de voir l'actrice principale de la pièce, donc Julie Doirezan, qui joue très bien. Alors moi, je te pose aussi une autre question. Comment tu es arrivée à t'approprier de ces personnages par rapport aussi au film de Bernard Jean-Jean? En fait, ça n'a finalement pas été très compliqué. Il a suffi de ne pas trop le regarder. mais c'est vrai, c'est bête, hein, mais à un moment, il faut prendre la décision de dire, tiens, voilà, je l'ai vu. Et surtout, je ne le regarde plus. Et à partir dès la première lecture, en fait, parce que j'avais quand même vraiment, surtout pour Marina Foïs, qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup, je l'avais fort en tête, je l'entendais, en fait, chaque fois que je lisais le texte, je l'entendais. Et il a suffi qu'on organise une lecture avec Julie et avec Pierre Pousset, qui joue également dedans. Et voilà. Et je les ai entendus une fois, et on a tous oublié les voix originelles. Et puis, on savait qu'on allait faire un Le film a d'énormes qualités, et puis il a aussi qu'il correspond à, en fait, je vais dire peut-être quelque chose de très bizarre, mais à un style culturel qui n'est pas le nôtre. Oui. Et qu'une comédie, d'une manière générale, en fait, souvent, le cinéma français a une rythmique qui lui est propre et qui est beaucoup plus lente que souvent le théâtre qu'on fait en Belgique, où on a tendance à être beaucoup plus instinctif, beaucoup plus animaux, à se répondre sans trop réfléchir, à ne pas mettre de temps. Or, le film, là, répond vraiment à l'autre logique qui est d'une importance énorme de silence entre les répliques. Et donc, comme je savais que je ne voudrais pas aller là, mm-hmm. on savait qu'on allait s'en échapper très rapidement. Alors, venons en fait au choix des comédiens. Donc, on l'a déjà dit, il y a Julie Doirezan, que moi j'avais déjà pu apprécier dans d'autres pièces, toujours au TTO. Et Pierre Pousset, comment tu les as choisis en fait? Eh bien, pour tout dire, on a beaucoup chipoté par contre. on a vraiment... moi j'ai travaillé, c'est le troisième spectacle que je fais avec Julie. Et pourtant, je ne l'avais pas visualisé directement. Au départ, je visualisais plutôt des personnages plus vieux en fait. J'avais envie au départ de quelque chose de plus... Enfin, ça mettait en jeu, en fait, différentes choses, simplement. S'ils étaient plus âgés, donc on hésitait un petit peu. On a imaginé la femme beaucoup plus âgée. Il y avait moyen... Voilà, en fait, les âges allaient raconter des choses très, très différentes. Vous savez, je ne voulais pas des gens dans la vingtaine, parce que ça oui. n'aurait aucun sens par rapport au texte. On n'a pas du tout les mêmes enjeux face à une histoire d'amour quand on a 20 ans, quand on en a minimum 30, voire 40, 50, 60. Donc, les enjeux étant différents, ça allait raconter. Et donc, comme, en fait, de toute façon, on n'avait toujours pas le droit de monter le texte, pendant tout un temps, on avait le temps de chicaner, de chipoter, de se dire ça, ça, ça ou ça. Et là, eh bien, comme je vous disais que dans notre trio de metteurs en scène, scénographes, costumiers, c'était Thibaut de Coster qui était arrivé avec le texte, c'est Charlie Kleinerman, l'autre scénographe costumier, qui a tranché. Puis un jour, un matin, il m'a appelé en me disant, voilà, je viens de dire à Thibaut, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je me sens pas belle, et c'était Julie et Pierre. Et à la seconde, j'ai fait, mais Julie et Pierre, mais quelle idée j'ai mis, ok. Et on a appelé Nathalie Schneer du TTO. Évidemment, et elle a fait une idée excellente. Et voilà, c'était joué de nouveau. On chicane parce qu'on a le temps et tout. Et puis tout d'un coup, une évidence arrive, en fait. Venons maintenant donc à la pièce. Moi, j'ai trouvé que cette pièce est profondément moderne, en fait. Mais est-ce qu'elle nous donne aussi une génération, hein, une génération comme la mienne, par exemple? Oula, je ne vous entends plus du tout. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, je te parle en fait de la pièce maintenant, parce qu'en fait, elle parle aussi à ma génération. Et c'est une génération, en fait, qui est tourmentée, surtout par cette crainte de souffrir d'amour que tu décris très bien dans la pièce aussi. Tu veux en parler un peu? Tu veux développer sur ces sujets-là? La crainte d'amour, donc? Oui, oui, on peut. C'est... bien sûr. tout ce qui il y a beaucoup le rapport à l'amour dans ce texte, c'est bien sa force, est absolument multiple. Il y a l'appel, il y a la peur, il y a la peur de souffrir, la peur de ne pas souffrir aussi et de vivre de belles choses. C'est y a-t-il de l'amour sans peur? On découvre quelque chose et directement il y a la perte qui s'annonce de la même manière, qui pourrait montrer le bout de son nez. Et je ne sais pas, vous disiez génération, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, puisque vous dites que c'est par rapport à votre génération. Vous trouvez que c'est générationnel, la peur d'aimer? Non, mais ce que tu as décrit dans la pièce, c'est plutôt sur ce que moi j'ai vu pour les jeunes qu'aujourd'hui ont 30 ans, 35, 36, sous la trentaine, quoi. Oui. Mais la crainte d'amour, tu as raison, hein, appartient à tout âge quand on se retrouve. Non, mais parce que c'est une question réellement que je me pose, parce qu'elle insiste très fort, donc je veux dire le personnage de Fanny, interprété par Julie, sur le fait d'être trentenaire est un... comment dire, la définit dans son rapport à l'amour, et c'est certain. Et je crois qu'effectivement, on a tous eu, voilà, donc moi je suis un petit peu plus vieille, mais c'est clair que quand on arrive à 30 ans, on se dit, bon, ben là maintenant, il y a normalement, je rentre dans la phase où l'animalité en moi, et l'horloge biologique dit, ça y est, c'est maintenant. Je crois qu'à 40 ans, c'est d'autres enjeux, et. Oui, je crois que chaque génération s'attrouille, mais que la peur de l'amour, en tout cas, parce qu'à 20 ans, je crois qu'on a peur de que ça se passe trop bien, par exemple. La peur de se fixer, peut-être plus aussi. De se dire, oh mon Dieu, je vais perdre ma liberté. C'est une toute autre peur, mais on a toujours peur. Tout à fait, non, mais en fait, moi, je me référais surtout à ce que j'ai vu dans la pièce. Donc, c'est une question un peu relative à la pièce même, parce qu'elle dit clairement, à un moment donné, la protagoniste, qu'elle est célibataire à 30 ans. Je pense qu'elle se pose aussi la question si c'est une honte, si c'est une force, peut-être c'est aussi une chance. Ah, voilà, c'est ça. Elle le dit, d'ailleurs, elle parle des deux visions de la chose. Elle dit, à 30 ans, on est célibataire, on dit que ça peut être formidable, quelle liberté, oui. Pourquoi est-ce qu'on voudrait partager cette belle vie avec quelqu'un après tout? Et puis deux secondes après, dire, ah oui, mais quoique, parce qu'en fait, à 30 ans, je me retrouve toute seule dans mon appart, et finalement, il n'y a que moi pour m'entendre pleurer, pour m'entendre crier. Et voilà, on a les deux pendant, et elle le met sur ses 30 ans. Je crois que c'est beaucoup plus... voilà, ça, c'est son cas, elle. Et c'est toujours comme ça dans un texte. De toute façon, c'est avec le particulier qu'on devient universel. C'est que moi, du haut de mes 40 ans, même si, en l'occurrence, je suis dans une vie de famille tout à fait solide, mais je peux tout à fait me projeter du haut de mes 40 ans si j'étais seule avec... OK, 40 ans, célibataire, waouh. C'est... Et je crois qu'on peut tous se projeter avec notre âge et notre expérience, en fait. Et alors, un mot maintenant aussi sur l'autre protagoniste, parce qu'on oublie, mais il n'y a pas que Julie Deloisin, il y a aussi Pierre Poussé. Donc, c'est l'autre vision de l'amour, en fait. Oui. Donc, on a une femme d'un côté, et les hommes qui semblent en tout cas être pas que libres comme on peut le penser. Hein. Ah non, ici, et c'est ce que je crois, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le texte, c'est qu'elle projette, en fait, sur lui tous les clichés dont on est pétri. Ouais. Elle imagine directement, je n'ai même pas besoin de les raconter, elle projette vraiment tous les clichés de l'homme qui va venir profiter, alors qu'en fait les clichés sont totalement inversés et qu'il ne se révèle pas du tout être celui qu'elle craint, et c'est ce qu'elle va craindre encore plus. Ça, c'est ce que je trouve vraiment très joli, c'est qu'en fait elle a vraiment beaucoup moins peur d'être... Elle n'a pas peur d'être blessée immédiatement, en fait, elle a peur de s'attacher. C'est ça. Elle a peur que ça marche trop bien. Elle a peur de... Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus touchant, en fait, dans la simplicité de ce texte, c'est que c'est la peur que ça se passe bien. Que c'est bien pire, en fait, que ça fait encore plus peur. Et avoir peur d'être touché, au sens propre et au sens figuré, je trouve ça vraiment très, très touchant et très universel. Qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans tes personnages? Des adjectifs. Waouh! Oui, je sais, c'est une question un peu difficile, mais on y est presque, hein, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses. Donc, On est vers la fin, de toute façon, parce que comme tu sais, le temps court très vite, surtout quand on est à la radio dans une interview. C'est fou, mais en fait, c'est une image qui me vient. C'est pas, ça va peut-être paraître débile, mais c'est l'image qui me vient quand vous me posez la question, c'est quelque chose qui l'aurait, que je projette dans les deux. C'est la finesse de leur peau. J'ai l'impression, parce que vraiment, moi, je suis très, très liée par rapport à eux, au toucher, vraiment, au rapport entre les... En fait, à un moment, voilà, tant pis, je spoil un peu, mais ils se touchent le bras, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peau, qu'ils peuvent rentrer en contact vraiment avec la chair de l'autre, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de peau, en fait, ou qu'elle est très, très, très fine et très fragile, et que c'est leur force et leur faiblesse. Bon, c'est magnifique, c'est une image, je te remercie pour ça, parce que je pense qu'en même temps, c'est aussi une belle définition de l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour pour Miriam Youssef? La mise à nu. Fantastique, je te remercie, c'est encore une très belle définition. C'est très étrange de répondre à ce genre de questions. Ah oui, je sais, c'est en fait. C'est pas la terre de poule, en fait, c'est bizarre. Est-ce que tu as encore des projets? Tu travailles déjà quelque chose ou pour l'instant, tu es focalisée sur cette pièce? Justement, j'en sors un peu parce que sinon, vous voyez, c'est un peu le post-coitum animal tristé ou bien la dépression postpartum, je ne sais pas. Il y a plein d'expressions pour dire quand on vient de vivre quelque chose de fort et après une première, et il faut vite se projeter dans autre chose. Donc non, je me suis rapidement projetée dans autre chose et je viens les retrouver le soir. Mais de toute façon, en plus, l'autre chose que je projette, c'est pour le Théâtre Royal du Parc la saison prochaine et ils sont tous les deux dedans. Donc, Encore une fois. Donc je continue à les voir toute la journée pendant que je travaille à ça. Donc, c'est parfait. Et alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais ajouter ou un mot que tu voudrais adresser à nos amis auditeurs? Mais venez vibrer avec nous. Alors, pour vibrer, je me sens pas belle, mise en scène de Miriam Youssef avec Julie Drouazin et Pierre Poussé, du mercredi au samedi à 8h30 jusqu'au 14 février au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Mais faites attention, le 14 février, la pièce sera en scène à 14h. Myriam, moi je te remercie beaucoup. Si je puis me permettre de rajouter, les lundis 1er février et mardi 2 février, nous jouons également à 20h30. Et voilà, je ne le savais pas, donc... exceptionnellement, la semaine prochaine, en fait, vous pouvez aller tous les soirs parce qu'ils seront là sur scène et ils vous attendent. Oui. Myriam, un grand merci et surtout, bonne chance. Et viva l'amore, comme on pourrait dire en italien. Ah oui. Merci. Merci à vous.